Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous, où aujourd'hui, on va parler de Pierre Richard. À ma grande surprise, en parlant avec un ami du fait que je m'étais mis à revoir quelques films avec Pierre Richard, j'ai eu la grande surprise d'apprendre qu'il ne connaissait pas cet acteur. Après coup, je me suis dit qu'une majorité de Québécois n'écoutent absolument pas de comédies françaises. Moi-même, j'en écoute assez peu. Après tout, l'humour ne traverse pas toujours bien les différentes cultures. Je doute que beaucoup de Français ne saisissent toutes les subtilités des Elvis Gratton. Je me suis donc dit que je pourrais faire un épisode du podcast où je présenterais brièvement les divers films que j'ai vus mettant en vedette Pierre Richard. Après tout, son humour me semble en général très international. Pierre Richard est un grand comique de la veine burlesque, très visuel. Il a su créer un personnage maladroit, distrait, malchanceux, décalé, un peu lunaire, mais aussi poète et très attachant. Il a su créer son humour, notamment grâce à sa très grande articulation qui permet d'avoir une gestuelle très riche, presque dansante. Il réussit avec la grâce de ses mouvements, la richesse de ses mimiques et de son langage à nous faire rire. Et il sait rester tout public, des films très bon enfant, mais avec tout de même certains gags plus incisifs, noirs, dénonciateurs, parlant souvent avec humour de sujets sérieux dans les films qu'il a réalisés lui-même et parfois aussi dans les autres. Saint-Michel, la cigarette qu'on fume jusqu'à la dernière. On peut lui reprocher de souvent jouer plus ou moins le même rôle, une genre d'extension de lui-même, avec carrément quelques noms de personnages qui reviennent dans plusieurs films, mais il le fait très bien, comme Jackie Chan. Pierre Richard a commencé en jouant un petit rôle dans Alexandre le Bienheureux en 1968, un film réalisé par Yves Robert, au scénario de Yves Robert et Pierre Lévy-Corti, d'après une nouvelle d'Yves Robert, avec comme producteur Daniel Delorme, avec Yves Robert comme producteur exécutif, et sur une musique de Vladimir Cosma, avec Philippe Noiret, qui joue le rôle d'Alexandre Gartempe, Françoise Brion, qui joue la grande, l'épouse qui va décéder durant l'histoire du film, Marlène Jobert, qui joue Agathe Bourdeau, Pierre Richard qui joue Colibert. Yves Robert a permis à Pierre Richard de montrer son savoir-faire dans une scène très mémorable, mais sinon c'est un tout petit rôle. Le film est par contre excellent, sans que ce ne soit dû qu'à cette petite scène, un film merveilleux sorti au parfait moment pour obtenir un grand succès juste avant mai 68, à propos d'un fermier exploité par sa femme qui décide de ne plus rien faire après le décès de cette dernière. Un grand classique du cinéma français. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, chaque note ayant une signification précise, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que les élections américaines qui verront, je l'espère, enfin quelqu'un d'autre que Trump gagner l'élection. Bon. En fait, je peux te donner le gag de 0 sur 5 à toutes les élections. Donc, ce film se mérite, selon moi, un 4 sur 5. Yves Robert y aurait dit à Pierre Richard qu'il n'y avait pas de rôle pour lui dans le cinéma français, qu'il devait se faire lui-même sa place, ce qu'il a fait ensuite en développant son personnage, qu'il exploitera dans son film suivant, qu'il va co-écrire et réaliser lui-même. C'est-à-dire le film Le Distrait, avec une réalisation par Pierre Richard, un scénario de Pierre Richard et André Puellant, avec une production de Yves Robert et Alain Poiré, une musique de Vladimir Cosma, un film sorti en 1970. Pierre Richard joue le rôle de Pierre Malaquais, jeune publicitaire imaginatif et incroyablement distrait. Bernard Blier joue le rôle d'Alexandre Guiton, directeur de l'agence de publicité Jéricho. Marie-Christine Barrault joue le rôle de Lise Gastier, jeune et jolie employée de l'agence. Marie Pacombe joue le rôle de Glykia Malaquais, mère de Pierre et maîtresse de Guiton. Catherine Samy joue le rôle de Madame Guiton, l'épouse d'Alexandre. Une histoire toute simple, qui est presque plus une suite de scénettes humoristiques qu'un récit construit, mais cela permet des moments d'une grande hilarité dès les premiers instants du film, avec la grande distraction de Pierre Richard, mais aussi des scènes d'anthologie, comme les exemples de publicité qu'il a filmés, son explication de sa conception de la publicité. Le directeur, parce que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, l'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers, aux yeux de celui qui achète. Non, c'est le contraire, c'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers, aux yeux de celui qui ment. Qui vend, pas qui ment, qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. C'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport. Donc j'attire, monsieur le directeur, votre attention sur un point précis. Et un point de vente, par exemple. L'homme qui est imperméable à la publicité... un point de vente d'imperméable, tiens, justement. Eh bien, de deux choses l'une, monsieur le directeur, et de loin, permettez-moi de vous le dire, de loin, je préfère la seconde. Il faut donc concevoir la publicité comme un malade, voyez-vous. Comme un traitement. Un médecin, je veux dire. Un médecin fait un traitement à un malade, voilà. Et un traitement érioque, hein, l'électrochic. Choc, héroïque. Enfin, je m'explique, plique. Son orchestration des oiseaux, sa rencontre avec un chef d'entreprise aussi distrait et maladroit que lui, sans oublier les performances des autres acteurs, mis en valeur par un magnifique humour visuel, Bernard Blier, parfait en chef d'entreprise qui tient sa société avec un gant de fer, sauf quand il pense avec bonheur à la gazouillante Maria Pacombe. Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier dans un drôle de film. Mais, je suis pas cohérent, mais tout de même! Sans oublier la romance toute simple mais toute mignonne avec Marie-Christine Barrault, tout en ayant quelques moments d'humour assez noirs et une critique étonnamment acide de la publicité pour le style bon enfant du film. Ce film se mérite donc, selon moi, un 4 sur 5. Ce qui m'amène au film Les Malheurs d'Alfred, sorti en 1972, avec une réalisation de Pierre Richard, un scénario de Pierre Richard, Yves Robert, André Ruellan et Roland Topor, une production de Alain Poiré et Yves Robert, une musique de Vladimir Kosma. Oh, il y a des jours. Et mauvais ce café. Pierre Richard et Alfred Dumontier, architecte et au chômage incroyablement malchanceux, Anne Dupéré et Agathe Bodard, speakerine co-animatrice du jeu de télévision. Pierre Mondy est François Morel, l'animateur vedette de jeux de télévision. Pierre Richard récidive avec un malchanceux qui rencontre l'amour de sa vie dans une double tentative ratée de suicide et se retrouve par hasard participant d'un jeu télévisé dont elle est co-animatrice. Avec sa romance malheureuse avec l'animateur, une avalanche de gags toujours aussi drôles et visuels, avec une critique de la télévision et quelques gags très noirs. Un des meilleurs prix Pierre Richard, qui mérite donc, selon moi, un 4 sur 5. Suivra Le Grand Blond avec une chaussure noire, sorti en 1972, avec une réalisation d'Yves Robert, sur un scénario d'Yves Robert et François Weber, d'après Igal Shamir, dialogue de François Weber, musique de Vladimir Kosma, production de Alain Poiré et Yves Robert, Pierre Richard joue François Perrin, premier violon excentrique et maladroit, Jean Rochefort joue le colonel Louis-Marie-Alphonse Toulouse, chef des services secrets, Bernard Blier joue le colonel Bernard Milan, chef adjoint des services secrets, Mireille Darc joue Christine, un agent de Milan, Paul Le Person joue Perrache, bras droit de Toulouse, Jean Carmet joue Maris Lefebvre, meilleure amie de Perrin, percussionniste de l'orchestre, Colette Castel joue Paulette Lefebvre, épouse de Maurice et maîtresse de Perrin, harpiste de l'orchestre, Jean Soudry joue Pousset, agent de Toulouse. Maurice Barrier joue Chaperon, agent de Toulouse. Dans ce film, Yves Robert met Pierre Richard en vedette de sa nouvelle comédie, cette fois-ci une comédie policière sur le monde de l'espionnage. Une machine parfaitement huilée, étonnamment assez efficace, même pour le côté policier-espionnage, avec un casting parfait. Tous les rôles collent parfaitement, même les plus petits, pour nous donner des performances parfaites. Le grand blond avec la chaussure noire. Qui est-ce? Vous n'avez pas le savoir. C'est lui le grand blond? C'est pas lui quand même. Ah, c'est... ah oui, mais on voit pas ses chaussures. Ah, une grande blonde, hein? Ravissante. Un film de Yves Robert. On s'en fout. Dialogue de Francis Weber. On s'en fout. Une réalisation Gaumont International. Oui, et alors? Lagueville. Oh, c'est pas... Madeleine Film. Ben, je vois pas le... Le grand blond avec une chaussure noire. Oui, mais pourquoi une chaussure noire? J'ai pas vu de chaussure noire, moi. Ben, venez voir le film. L'espionnage français a décidé de prendre un gugus au hasard pour faire croire à d'autres que c'est un espion afin de les piéger. Pierre Richard est un peu plus subtil que dans ses films précédents, mais il reste tout de même lui-même. Un sommet de la comédie française et quelle musique inoubliable! Un film qui se mérite bien sûr un 4 sur 5. S'en suis Je sais rien, mais je dirai tout. Sorti en 1973, avec une réalisation de Pierre Richard, scénario, adaptation et dialogue de Pierre Richard, Didier Kaminka, musique de Michel Fugain et le Big Bazar, avec une orchestration de Jean Bouchetti, producteur délégué Bernard Artigues, coproducteur film Christian Fechner, Rennes Productions, directeur de production Henri Brichetti, Pierre Richard joue le rôle de Pierre Gastier-Leroy, jeune éducateur social. Bernard Blier joue le rôle de Monsieur Gastier-Leroy, directeur de l'usine et père de Pierre. Pierre Richard revient à la réalisation et co-scénarisation. avec un projet autour d'un éducateur social, fils d'un riche industriel, dans la vente d'armes, un sujet en or pour son humour. Certes, une cible facile, mais tellement méritée. Encore une fois, le film est assez décousu, mais cela lui sert moins bien. On a encore une fois une suite de scénettes dont de nombreuses sont amusantes, quoique quelques gags ont un peu mal vieilli, mais l'absence de fil narratif et l'inconsistance du personnage, dénonçant la situation mais en profitant en même temps, en font un film moins intéressant, ce qui n'empêche qu'il permet tout de même d'égratigner l'autorité, et cela dans plus d'une forme, pas seulement la vente d'armes et l'entreprise, mais aussi la police, l'État, etc. Une comédie sympathique, mais pas tout à fait réussie. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. Ensuite, La moutarde me monte au nez, sorti en 1974, réalisé par Claude Zidi, sur un scénario de Claude Zidi et Michel Fabre, avec une musique de Vladimir Cosma, avec comme producteur Christian Fechner, Pierre Richard y joue Pierre Dubois, Jane Birkin y joue Jackie Logan. On choisit ici de donner à Pierre Richard un rôle de prof de maths timide et peu dégourdi dans un collège de filles qui va se faire embarquer dans des situations embarrassantes où il semble plutôt cochon, notamment impliquant Jane Birkin, qui joue un rôle similaire à elle-même, celui d'une vedette du cinéma. L'humour est franchement pouet-pouet et le style très moyen. Il y a bien quelques gags marrants, mais l'ensemble est plutôt mou. Je donnerais donc à ce film une note de 2 sur 5. Après cela, il y a Le retour du grand blond, sorti en 1974, réalisé par Yves Robert, sur un scénario de Francis Weber et Yves Robert, avec des dialogues de Francis Weber, une musique de Vladimir Kostma, Alain Poiré comme producteur associé et producteur, ainsi que Yves Robert. On reprend plus ou moins les mêmes et on recommence. Non seulement c'est une réussite parfaite, mais ce n'est pas uniquement le genre de suite qui refait ce qu'a fait son prédécesseur, c'est plus ou moins la suite directe de l'intrigue du film précédent. La continuation logique. Et cette fois-ci, on n'utilise pas que le grand blond comme piège à con. Après l'échec des tentatives de le tuer, on le force à vraiment jouer le rôle du super-espion, ce qui est hilarant. Et donc, ce film se mérite un 4 sur 5. Oui, pour la première fois révélé au public, la vie et les mystères d'un agent de renseignement international. Qui est cet homme ? Un mélange de James Bond, Matahari et de l'Orchestre Rouge. Cet homme est prêt à affronter tous les dangers. Moi ? Eh ben oui, vous. Il devra se débattre dans un piège diabolique. Un piège à con. Pourchassé par des ennemis implacables, il sort victorieux de toutes les situations. Dégainé. Rapide comme l'éclair. Invincible. Redoutable et redouté. Des nerfs d'acier. Face à un ennemi qui prend toutes les apparences. Des aventures fantastiques, palpitantes, inoubliables. Grand con. Le film le plus passionnant, le plus étonnant, le plus angoissant, le plus stupéfiant, le plus haletant, le plus fascinant. Ah bah ça y est, on l'a eu. Puis il y a eu La course à l'échalote en 1975, réalisé par Claude Zidi, sur un scénario et une adaptation de Claude Zidi, Michel Fabre et Jean-Luc Wulfau, avec une musique de Vladimir Cosma. Pierre Richard joue Pierre Vidal, Jane Birkin y joue Janet. Le film semblait avoir un meilleur potentiel que La moutarde me monte au nez, avec le même réalisateur et les deux mêmes acteurs principaux, ici Pierre Richard jouant le banquier très carré qui poursuit dans un train un voleur déguisé en femme, tandis que Jane Birkin joue la blonde de ce dernier qui s'ennuie et envisage de rompre. Mais poursuit Pierre, parce qu'elle veut savoir pour quelle femme il a décidé de laisser tomber le voyage qu'il devait faire pendant la fin de semaine. Mais voilà, on a encore droit à de l'humour pouette-pouette, à peu près jamais drôle et souvent assez daté, quoique ça aurait facilement pu être pire vu l'âge du film. Dommage, les deux acteurs donnent l'impression d'avoir une bonne complicité dans le film et Pierre Richard reste encore assez bon dans de nombreuses scènes, même si les gags qu'on lui fournit sont généralement affligeants. Donc, je donnerai à ce film une note de 2 sur 5. Et ensuite, on aura tout vu en 1976 avec une réalisation de Georges Lautner et Alain Boisnard pour la seconde équipe. Sur un scénario, adaptation et dialogue de Francis Weber, avec comme producteur Alain Poiré, une musique de Philippe Sard. Pierre Richard y joue François Perrin, Jean-Pierre Marielle y joue Bob Marlock, Miu Miu y joue Christine Lefebvre, Gérard Jugnot y joue Ploumèche, Henri Guibet y joue Henri Mercier, Pierre Richard, qui en a marre de travailler dans la publicité et qui voudrait réaliser un film, accepte la proposition d'un producteur de transformer son projet en film pornographique, ce qui crée des ennuis avec sa sensibilité et son entourage, surtout Miu Miu, qui joue sa copine. Une des quelques bonnes comédies que j'ai vues sur le sujet avec Orgasmo et Zach and Mary Make a Porno. Mais étonnamment, le film reste assez subtil dans la retenue, du moins pour un tel sujet. Il y a bien quelques gros mots et un peu de nudité, ce n'est pas un film tout public, mais il y a de l'émotion et le jeu de Pierre Richard et étonnamment dans la retenue. Un film qui se mérite un 4 sur 5. Puis Le Jouet, en 1976, avec une réalisation de Francis Weber, sur un scénario et dialogue de Francis Weber, avec une musique de Vladimir Kosma, avec à la production Pierre Richard, non crédité, et le directeur de production Pierre Grunstein. Pierre Richard y joue le rôle de François Perrin, journaliste. Michel Bouquet y joue le rôle de Pierre Rambal-Cochet, puissant homme d'affaires. Fabrice Gréco y joue le rôle de Éric Rambal-Cochet, fils trop gâté de Pierre. Un des films les plus reconnus de l'acteur, reconnu pour son jeu tout en retenue et sa qualité. Pierre Richard, journaliste qui vient de se trouver un emploi après un long chômage, est choisi par le fils du patron de l'entreprise comme jouet. Un sujet riche, mais dont l'exploitation est moyennement intéressante selon moi. De bonnes performances d'acteurs et quelques moments d'émotion dans la relation entre le journaliste et le fils du patron, mais ce n'est pas vraiment drôle. J'ai préféré son film précédent où il jouait déjà dans la retenue. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. Et donc, après ça, il y a « Je suis timide, mais je me soigne » en 1978, avec une réalisation de Pierre Richard, sur un scénario de Pierre Richard, Jean-Jacques Arnaud et Alain Godard, avec une musique de Vladimir Kosma, avec comme producteur Albina Dubois-Rouvray. Je l'ai très probablement mal prononcé. Pierre Richard y joue le rôle de Pierre Renaud. Aldo Maxion y joue le rôle de Aldo Ferrari. Jacques François y joue le rôle de Monsieur Henri. Mimi Coutelier y joue le rôle de Agnès Jensen. Pierre Richard joue un timide maladif qui essaie de s'en guérir et tombe amoureux. Il suit la jeune femme, mais ne fait pas tellement plus que la regarder de loin. Il va tomber sur un type qui lui avait vendu un système pour essayer de se guérir sa timidité, et ce dernier va essayer de l'aider. Le film est très léger, sans véritable propos de fond, mais il reste plutôt marrant avec l'acteur toujours aussi bon et charmant, ainsi qu'avec un humour plutôt bon enfant, le mérite. Le film se mérite donc, selon moi, un 3 sur 5. S'ensuit La Carapate en 1978, avec à la réalisation Gérard Houry, assisté de Marc Rivière, au scénario Gérard Houry et Daniel Thompson, au dialogue Daniel Thompson, à la musique Philippe Gérard, comme producteur délégué Alain Poiré. Pierre Richard y joue Maître Jean-Philippe Duroc, avocat gauchiste de Martial Gaulard. Victor Lenoux y joue le rôle de Martial Gaulard, l'accusé, fasciste et anti-68-art. On crée une comédie de duo de personnages à la personnalité opposée, un condamné à mort qui s'évade dur à cuire mais qui se dit innocent du crime dont on l'accuse, et son avocat petit bourgeois embarqué dans cette aventure de fugitif plutôt malgré lui en pleine période de mai 68. Ce n'est pas très souvent drôle et ce n'est pas vraiment politique, mais l'action est pas mal, la dynamique des acteurs marche plutôt bien et c'est un moment sympathique à passer. C'est décevant pour le potentiel vu le sujet pour un résultat un peu moyen, mais ça reste divertissant. Ce film se mérite donc un 3 sur 5. Ce qui m'amène à... C'est pas moi, c'est lui! Sorti en 1980, réalisé par Pierre Richard sur un scénario de Pierre Richard et Alain Godard, avec les dialogues de Alain Godard, avec Vladimir Cosma à la musique, encore une fois. Pierre Richard y interprète le rôle de Pierre Renaud. Aldo Maccione y joue le rôle de Aldo Barazzuti. Valérie Mérès y joue le rôle de Valérie. Daniel Minazzoli y joue le rôle de Charlotte. Henri Garcin y joue le rôle de Georges Vallier. Pierre Richard revient à la réalisation et co-scénarisation. Il essaie cette fois-ci de proposer une histoire qui aurait plus de substance, mais ça reste une autre suite de scénettes humoristiques, mais sans la richesse thématique ou stylistique des films qui l'ont précédé. Pierre Richard interprète un ghostwriter pour un célèbre scénariste de comédie de type vaudeville au cinéma qui, après avoir remplacé son patron dans une soirée, part en Tunisie avec un acteur italien en se faisant passer pour son patron dans l'intention d'ensuite lui dévoiler le poteau rose pour devenir son propre auteur, mais son patron va éventuellement débarquer dans le décor, ce qui va provoquer quelques quiproquos, et il y en aura surtout d'autres autour de deux femmes intéressantes, la star italienne. Mais tout ça est en fait juste un prétexte à mettre divers gags les uns après les autres. Certains sont drôles, mais dans l'ensemble, c'est franchement décevant par rapport au précédent film réalisé par Pierre Richard lui-même. Je lui donne un 2 sur 5, mais il y a tout de même des gags marrants dans le lot. Donc, en 1980, il y a eu Le coup du parapluie, réalisé par Gérard Houry, sur un scénario, adaptation et dialogue de Gérard Houry et Daniel Thompson, avec une musique de Vladimir Cosma, avec à la production Alain Poiré. Pierre Richard y joue le rôle de Grégoire Lecomte, un acteur raté. Valérie Mérès y joue Sylvette Dicte Bonnie, flic opérant pour la DST. Christine Murillo y joue le rôle de Josiane Leblanc, compagne de Grégoire, Pervenche. Gordon Mitchell y joue le rôle de Moscovitz, un tueur à gages. Gérard Jugnot y joue le rôle de Fredo, l'impresario de Grégoire. Un acteur raté est pris par erreur pour un tueur à gages alors qu'il venait à une audition pour un rôle de gangster dans un film juste à côté. Il va bien obtenir le rôle, mais pas tout à fait ce qu'il pensait. On est carrément loin du grand blond avec un sujet similaire, mais c'est marrant. Peut-être un peu trop tarte à la crème par moment, mais un film tout à fait amusant qui se mérite un 3 sur 5. Et puis en 1981, il y a eu La Chèvre, réalisé par Francis Weber, assisté de Jean Weber, sur un scénario de Francis Weber, avec de la musique de Vladimir Cosma et à la production Alain Poiré. Pierre Richard y interprète François Perrin, comptable malchanceux, et Gérard Depardieu y joue Campana, un détective privé. On refait le classique film associant deux personnages dépareillés, qui plus est dans un cadre policier, mais on le fait avec excellence. Pierre Richard est choisi pour diriger une enquête pour retrouver la fille de son patron, précisément parce qu'il est malchanceux, ce qui devrait les mettre sur la piste d'une fille tout aussi malchanceuse. On l'associe avec un détective privé dur à cuire, interprété par Gérard Depardieu. S'ensuit bien sûr une suite d'accidents et autres joyeusetés en Amérique latine. Quand j'ai vu ce film une première fois durant mon enfance, j'avais été plutôt déçu. Je préférais le remake américain Pure Luck, Danger public, traduit en français. Quoiqu'il faut préciser que je l'avais vu avant, et il me semble, de mémoire, ne l'ayant pas revu depuis longtemps, que Martin Short et Danny Glover étaient pas mal dans les mêmes rôles, surtout Short, mais maintenant je préfère l'original. Je présume que l'opinion que j'avais plus jeune était principalement due au jeu plus subtil des acteurs français, aux quelques accidents un peu moins spectaculaires visuellement, et les deux ou trois effets un peu ratés, je pense à une certaine scène d'hélicoptère et à un gorille. Mais maintenant, j'aime la retenue du jeu des acteurs qui permet de mieux apprécier la subtilité des dialogues qui fait du sens dans un cadre professionnel et qui rend plus sympathique l'alchimie très réussie entre les deux acteurs qui se complètent admirablement. Bien que par le retenu et le style du film, Pierre Richard est loin de nous offrir ses plus grandes prouesses, c'est beaucoup plus drôle face à Depardieu, à ses réactions, son jeu, sa présence. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Si je réagis, je m'enfonce encore plus. C'est bien connu, il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Ben, si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. On comprend le succès du duo, de ce film et des autres, impliquant les deux mêmes acteurs et le même réalisateur et scénariste qui ont rapidement suivi. J'ajouterais aussi que la photographie assez réussie exploite très bien les diverses locations et que la musique d'inspiration andine donne une ambiance particulière et tout à fait sympathique au film une certaine touche. Je donnerais donc à ce film une note de 4 sur 5. Et donc, en 1983, il y a eu Un chien dans un jeu de quilles, avec une réalisation de Bernard Guilou, un scénario et dialogue de Bernard Guilou et Claude Gallo, avec comme producteur Bernard Guilou et Pierre Richard, sur une musique de Patrice Caratini, avec Pierre Richard qui joue le rôle de Pierre Cohen, Jean Carmet qui joue le rôle de Joseph Cohen, Pierre Richard, devenu psychologue en ville, revient dans sa campagne bretonne pour aider son frère fermier que le riche du coin s'efforce d'expulser. Tout au long du récit, on essaie de faire diverses tentatives pour aider la situation ou régler des situations qui se présentent, mais avec bien peu de conviction ou d'effet. L'humour aussi est sans grande conviction. Il y a des gags à tirer de la différence entre un personnage cultivé qui vit dans les dialogues et la campagne où on agit. Mais il ne se passe pas grand-chose. Il y a des situations provoquant de la jalousie et ce genre de choses, mais en dehors de quelques claques, ça ne mène à rien. Il y a même quelques actions graves durant le film, mais elles ne mènent jamais à grand-chose. Le grand final est aussi mou que le reste, et les gens piquent même la conversation pour savoir ce que devient un tel et un tel. Donc au final, on ne ressort pas grand-chose de ce film, si ce n'est un certain calme de la vie des campagnes bretonnes. Un film assez moyen, dont j'ai de la misère à comprendre l'attrait, si ce n'est de respirer un peu de vie campagnarde. Je donne donc à ce film une note de 2 sur 5. Puis en 1983, il y a eu Les Compères, avec une réalisation, un scénario, dialogue et production de Francis Weber, avec Pierre Richard qui joue François Pignon, instituteur au chômage, Gérard Depardieu, qui joue Jean Lucas, un journaliste d'investigation, à moins que ce soit Jean Lucas. Il y a aussi Annie Dupéré, qui joue Christine Martin, ex-amante de François et Jean. Puis Michel Aumont, qui joue Pierre Martin, mari de Christine. Il y a aussi Stéphane Bierry, qui joue Tristan Martin, le fils fugueur de Christine. Puis il y a Florence Moreau, qui joue Michel Raffard, petite amie de Tristan. On recrée le duo du dur à cuire et du type qui n'a pas de chance, un journaliste qui joue dangereux et un homme suicidaire, en faisant croire à l'un et à l'autre qu'il serait le père d'un adolescent qui a fugué. Les deux vont éprouver des émotions envers leur potentiel fils et la situation, une opportunité de connaître une autre vie, peut-être une forme de rédemption pour Gérard Depardieu, et un but auquel se raccrocher dans l'existence de Pierre Richard. Christine, ce pauvre, ça fait si longtemps. Non, je suis en train de déjeuner. Eh ben moi, ça va pas trop mal. Tout marche très bien, et on nous met même quelques scènes d'action assez réussies qui s'intègrent un peu mieux que dans la carapate. L'alchimie du duo marche toujours aussi bien, mais si l'intrigue provoque des scènes amusantes, elle n'aboutit pas à grand-chose. Une fois l'ado trouvé, il ne se passe pas tant de ce côté, en tout cas la seconde fois, et si l'acteur a la gueule de l'emploi, il joue comme une savonnette. Le côté journalistique provoque bien quelques scènes d'action et de la tension, mais la résolution est trop facile et peu intéressante au final. Un bon moment à passer, même si le tout se résout un peu vite. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. En 1984, il y a Le Jumeau, une réalisation de Yves Robert sur un scénario de Elisabeth Rappeneau. What? Il y a un scénario d'Yves Robert d'après le roman de Donald Westlake, Un jumeau singulier. Bon, je présume qu'il y a deux scénaristes. Avec Vladimir Cosma à la musique, Xavier Gélin comme producteur exécutif, Pierre Richard y joue Mathias et Mathieu Duval, Jean-Pierre Calfon y joue Ernest Volpinex, Camilla Mor y joue Elisabeth Betty Kerner, Katie Moore y joue Elisabeth Liz Kerner. Pierre Richard incarne un joueur, pas seulement quelqu'un qui aime parier l'argent, mais tout. La romance, la vie, tout. Il tombe sur une riche héritière qui a une sœur jumelle et par le fait, il s'invente un frère jumeau qu'il devra jouer aussi puisque les deux frères font la cour aux deux sœurs, mais lui, il n'est qu'un seul de jumeaux. Le film a le mérite de nous proposer Pierre Richard dans un rôle différent de l'habitude, une petite canaille, ma foi, fort sympathique. Les sœurs jumelles sont plutôt charmantes et le reste du cast s'en sort fort bien, mais l'histoire n'est franchement pas bien passionnante. On est loin du meilleur film à mettre en vedette Pierre Richard, un film qui se mérite donc 3 sur 5. En 1986, il y a Les Fugitifs, réalisé par Francis Weber, assisté de Frédéric Auburtin, sur un scénario de Francis Weber, avec une musique de Vladimir Cosma, une production de Jean-José Richer. Pierre Richard y joue François Pignon, cadre au chômage. Gérard Depardieu y joue Jean-Lucas, ancien braqueur de banque. Anaïs Bray joue Jeanne Pignon, fille de François. Le dernier film du duo Gérard Depardieu dur à cuire avec tout de même un cœur tendre et Pierre Richard Gugus Machanceux avec des personnalités opposées qui se retrouvent dans les pattes l'un de l'autre mais qui auront une grande complicité et une forme d'amitié qui se développe. Cette fois-ci, Gérard Depardieu, juste après s'être sorti de prison, se retrouve otage de Pierre Richard qui braque une banque. Bien évidemment, la police ne le croit pas et les deux se retrouvent fugitifs. Tu vas te ranger ? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne ? Oui, vous dites tout ça, puis un jour vous avez des fourmis dans les doigts en passant devant une bijouterie ou une banque et on recommence à rigoler. Les mains en l'air, tout le monde ! C'est un hold-up ! J'ai dit les mains en l'air ! J'ai une grenade. Attention, j'ai la découpille. Mettez l'argent dedans, vite ! Pourquoi ? C'est Lucas, non ? Je t'écoute, dis-moi ce que tu veux ! Mais je veux rien, moi, je suis l'otage ! Il se fout de ma gueule ou quoi ? Mais dis-leur, merde ! Quoi ? Mais que je suis l'otage, bordel ! Ah oui, vous êtes l'otage, quelle drôle d'idée ! Mais ne le dis pas à moi, connard, dis-leur à eux, on va se faire descendre ! Tout ça parce que j'ai raté un hold-up ? Tout ça parce que j'en ai réussi 14, connard ! Pierre Richard fait tout ça pour sa fille. Celui-ci est en père monoparental au chômage, n'arrivant plus financièrement. Le début est plutôt marrant, il y a quelques bons moments dans la première moitié, mais à force, le film ne sait plus vraiment quoi raconter et se vautre plutôt dans le larmoyant que dans la comédie, ce qui en fait une comédie dramatique et pas très réussie plus qu'une comédie. Le film se mérite donc un 2 sur 5. En 1991, il y a eu « On peut toujours rêver », une réalisation de Pierre Richard, assistée de Jacques Clouzot, sur un scénario de Olivier Daza et Pierre Richard, avec des dialogues de Olivier Daza et Pierre Richard, avec comme producteurs Jean-Louis Lévy et Marco Picot, et une musique de Alain Wisniak. Pierre Richard y joue Charles le Boilesve, dit l'empereur. Smaïn y joue Rachid Merzaoui. Si Pierre Richard a été très populaire dans les années 70 et a sans doute connu ses films les plus populaires dans les années 80, ceux en duo avec Gérard Depardieu, il commençait déjà à faire des films moins populaires et aussi à force, il avait envie de faire autre chose. Après avoir fait quelques documentaires vers la fin des années 80, il a fait ce film vraiment différent au début des années 90. C'est à peine une comédie, le personnage comique n'est pas vraiment lui, mais plutôt sa co-star, Smaïn. Si tant est qu'on peut le considérer comique, et il joue un rôle vraiment très différent. D'ailleurs, au début du film, on n'a absolument pas son look habituel de blond un peu bouclé. Il a plutôt des cheveux bruns, blanchissants, avec une petite moustache. Et surtout, il porte un smoking. Il joue ici un grand homme d'affaires, quelqu'un de très riche et puissant, mais qui semble pas vraiment apprécier sa vie. Quelqu'un qui a tout ce qu'il veut comme il veut, froid, sans pitié. Il est entouré de gens de la haute, comme lui, des gens guindés. Son petit plaisir semble être de jouer les pickpockets. Quand il va tomber sur un jeune homme s'adonnant au même passe-temps pour des raisons différentes, quelqu'un qui l'insulte et qui a une vie tellement différente, avec une certaine joie, il décide de le fréquenter. Il l'engage comme coiffeur personnel, mais c'est bien évidemment un prétexte. Il veut se rapprocher un peu de sa vie, de ses plaisirs, s'éloigner un peu de la sienne, prendre ses avis. Un petit film sympathique qui ne mérite pas son peu de succès, mais qui n'a rien de transcendant non plus. Je lui donne donc un 3 sur 5. En 1997, il y a eu « Droit dans le mur », réalisé par Pierre Richard sur un scénario de Olivier Daza, où Pierre Richard y joue le rôle de Romain. Véronique Guenet y joue Myriam Walensky, sa sœur. Caroline Sihol y joue Elisa, son épouse lui demandant le divorce. Daniel Russo y joue Jean-François. Daniel Prévost joue Luchino, son ami et psychologue. Isabelle Candelier y joue Béatrice, sa maîtresse. Le rôle parfait pour Pierre Richard à ce stade de sa carrière, celui d'un acteur comique has-been, qui a des problèmes de ménage et qui veut jouer quelque chose de différent, Cyrano de Bergerac au théâtre, monté par sa sœur. Le film donne l'impression qu'il présentera le drame de la vie difficile d'acteur ou bien de quelqu'un ayant connu le succès et l'argent qui se retrouve dans l'échec avec un peu d'humour, mais même s'il y a un peu de tout ça, on a surtout une petite comédie parsemée de gags burlesques, genre slapstick, ou bien situation grivoise. Humour facile avec un drame réel, mais pas pris au sérieux, sur lequel on s'attarde assez peu. Ce n'est pas mauvais du tout, mais ça n'a rien de spécial non plus, mais il ne faut pas exagérer, c'est loin d'expliquer à quel point le film a été un échec, à la suite duquel Pierre Richard a cessé de réaliser, ce qui fait un titre très approprié pour le film, qui se mérite donc un 3 sur 5. Si les années 90 ont été une période difficile pour l'acteur, qui s'est continué encore pendant quelques temps, Pierre Richard étant devenu un has-been, il a depuis renoué avec le succès, mais plus souvent dans des rôles secondaires que principaux, dans des films comme le film franco-québécois « Le bonheur de Pierre » en 2009, dont il tient la vedette, qui n'a pas tant été un succès, mais pas non plus une catastrophe. Et si on vivait tous ensemble, en 2011, mettant en vedette Guy Bedos, Daniel Brühl, Géraldine Chaplet, Jane Fonda, Pierre Richard et Claude Rich, Les Vieux Fourneaux en 2018 d'après la BD du même nom, et Jeanne du Barry en 2023, réalisé par Mai Wen, dont il tient le rôle du duc de Richelieu, en compagnie de Mai Wen, Johnny Depp et Benjamin Lavert, mais je dois avouer ne pas les avoir vus. Ce qui n'empêche que tous les films classiques avec Pierre Richard sont des classiques dont plusieurs sont parmi les meilleures comédies françaises. Au revoir. À bientôt. Pour de l'horreur.